Ce fut Serena qui vint à lui et non lui qui vint à elle. Elle le surprit alors que sa stratégie n'était pas encore totalement arrêtée. Elle le surprit chez lui, là où il était peut-être encore plus vulnérable. Elle était très belle, d'une beauté qui impressionnait Melchior par son calme et sa pérennité. Ce n'était pas la beauté volatile d'Anna, liée à ses mouvements, à son désir, à son rapport au monde. C'était une beauté de statue, liée à l'être et non au paraître, à une essence plutôt qu'à un état. Serena avançait, grande, souple, vêtue de noir, le regard profond. Il sut dès qu'il la vit qu'elle n'userait d'aucun artifice mondain, et en conçut une certaine excitation et un certain malaise. Elle s'arrêta quelques pas de lui sur la première terrasse, et le fixa un peu plus longtemps qu'il n'eût fallu avant de parler. « Vous ne me serrez pas la main ?» demanda Melchior. « Non, je ne compte pas avoir avec vous des relations de ce type. » Il sourit, surpris, un peu décontenancé. Anna aurait pu dire la même phrase avec des œillades grivoises, mais Serena avait prononcé ces mots avec rigueur. « Que voulez-vous dire ? » demanda-t-il en espérant lui renvoyer son malaise. Elle le regarda avec un sincère étonnement et il regretta le ton de sa question. « Rien de plus que ce que j'ai dit. Je n'aime pas l'usage qui veut que les étrangers ne se parlent que par devinettes et ne se répondent que par de nouvelles questions. » Melchior murmura. « Excusez-moi. » Il sourit avant de reprendre. « J'ai envie de vous connaître, » dit-elle. « Je suis venu pour vérifier qu'il en était de même pour vous. »« Vérifier ?» commença-t-il. « Votre usage de ce mot semble... Avez-vous envie de me connaître ?» lui coupa-t-elle. « Oui, » dit-il. Quelque chose en elle se détendit imperceptiblement. « Alors je vous attends chez moi, demain soir. »« Pour dîner ?» demanda-t-il. « Non, pas pour dîner, pour parler. Je ne suis pas une excellente cuisinière. » Melchior se permit un petit rire qui sonna faux. « Alors à demain ?» dit-il. « Je ne vous serre pas la main. » Elle ne répondit pas à son allusion et hésita un instant avant de lui demander « Comment va Brugge ?»« Elle teste ma sincérité, » se dit-il. « Il s'ennuie et il boit, les deux choses sans modération. » Serena eut l'air triste à cette évocation, puis elle se reprit et le regarda en souriant avant de partir. Melchior regagna sa chambre et s'y enferma. Il ne tenterait pas de se dissimuler à lui-même qu'il avait été médiocre, autant dans sa maîtrise de la conversation que dans l'entreprise de la séduire. Il tourna un moment en rond dans sa chambre avant de donner un bref et violent coup de poing sur son lit. Le choc le calma, puis il creusa, sous l'émotion superficielle, pour retrouver ses facultés analytiques. Cette femme lui plaisait. Elle lui plaisait dangereusement. Elle l'impressionnait, le laissait stupide comme un collégien. Il fallait impérativement qu'il se reprenne avant demain soir. Il fallait impérativement qu'il maîtrise ses paroles, ses gestes, qu'il prenne du recul par rapport à ce qu'elle faisait. Même s'il tombait amoureux d'elle, ce qui était plus que probable, il ne devait en aucun cas perdre de vue ses priorités. Cette femme était une inconnue à laquelle il devait donc révéler le moins de choses possibles. Cette femme était une source d'informations, et en particulier sur Léandri, qu'il devait utiliser à son maximum. Il tenta de se représenter la soirée du lendemain. Très vite, la décision s'imposa. Il ne pouvait risquer de perdre le contrôle. Il ne pouvait donc pas la laisser garder l'initiative. Elle risquerait de le surprendre, de le charmer. Il risquerait de succomber à l'envoûtement. Non, il fallait qu'il prenne l'initiative, qu'il la surprenne, qu'il inverse les rôles. Il fallait qu'il fasse l'amour très vite, le plus tôt possible, sur son initiative, et ensuite seulement il parlerait.